Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, à l'usage des ecclésiastiques et des gens du monde, par l'abbé Frédéric Le Breton, docteur en théologie de l'Université de Rome, curé d'Éran, diocèse de Bayeux, Gaumet-du-Pré 1860. Markem d'anarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Introduction. Est-il au monde un ouvrage plus parfait, quant au fond, que la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, plus vaste dans son ensemble, plus fini dans ses détails, plus lumineux dans l'exposition, plus fort dans le raisonnement? Connaissez-vous une théologie qui ait été plus étudiée par les docteurs catholiques, plus recommandée par les souverains pontifes, plus solennellement approuvée par l'Église? Au Concile de Trente, on le sait, deux livres étaient placés au milieu de l'assemblée des évêques, la Bible et la somme de saint Thomas. C'est qu'en effet la somme de saint Thomas, le plus beau commentaire de l'Écriture sainte, est en quelque sorte le reflet divin de la révélation. Étudiez ce grand sommaire de théologie, où la foi s'allie si merveilleusement à la raison, et vous n'hésiterez pas à croire que le génie qui a enfanté ce chef-d'œuvre était inspiré d'en haut pour éclairer le monde catholique. Le plan de cet immense ouvrage, les divisions, les subdivisions, l'ordre et l'arrangement des questions, la grandeur des idées, la sublimité des aperçus, la propriété des termes, la logique rigoureuse, l'exactitude de la doctrine, la méthode elle-même, étonne, ravisse et confonde. On se demande si c'est un homme ou un ange qui a dicté un pareil livre. Jetons d'abord un coup d'œil sur l'ensemble, nous verrons combien le plan est simple, vaste et fécond. Dieu, voilà la première partie. Quand vous connaîtrez l'essence de Dieu, ses attributs, ses opérations, sa béatitude, quand vous aurez pénétré dans les profondeurs même de sa nature et que vous aurez discerné, à l'aide du flambeau de la foi, la triplicité des personnes dans l'unité des sens, quand de ces sublimes et mystérieuses vérités vous serez redescendu vers la création pour contempler le monde angélique, le monde humain et le monde matériel, œuvre des mains de Dieu, quand, enfin, vous saurez par quel secret ressort l'univers est gouverné, que, vous restera-t-il à savoir sur Dieu, sur la Trinité, sur la création, sur le gouvernement divin des êtres? Mouvement de la créature raisonnable vers Dieu, c'est la seconde partie. Vous connaissez Dieu comme principe, mais non pas encore comme fin suprême et dernière de la créature raisonnable, qui doit monter, s'élever, se mouvoir vers ce centre universel des êtres. Or comment l'âme s'élèvera-t-elle à Dieu, si ce n'est par la vertu? Pour retracer à l'homme ses devoirs envers Dieu, il fallait donc traiter des actes humains en général, et des vertus en particulier. C'est l'objet des deux sections de la seconde partie, où l'on voit, d'une part, les principes qui président à la moralité de ces actes, les conditions, les obstacles et les sources de la vertu, et, d'autre part, le développement de toutes les vertus théologales et morales nécessaires au salut pour tous les hommes, et de certaines vertus plus particulières à divers états de perfection. Jésus-Christ est l'objet de la troisième partie. Avec la connaissance de Dieu et de nos devoirs, pénétrons vers le sanctuaire où réside le Saint des Saints. Là Jésus-Christ nous apparaît comme Dieu et comme homme, médiateur et rédempteur, voix qui conduit au salut, lumière qui éclaire, force qui soutient. Et du haut de la croix où il expire, de son côté même, sort l'Église avec les sacrements qui répandent sur le monde la grâce vivifiante dont la source est au calvaire. La première partie nous a dit l'origine des choses, la fin de la troisième partie nous montre leur consommation. Dieu, principe et fin, la créature raisonnable montant vers Dieu, avec l'aide et par le moyen de Jésus-Christ, en un mot, Dieu, l'homme, et Jésus-Christ, voilà toute la somme de saint Thomas, voilà la synthèse féconde, mais infiniment simple, que mettront en lumière 611 questions, qui donnent lieu à 3111 articles. Dieu, l'homme, Jésus-Christ, y a-t-il un dogme, une vérité, une vertu ou une idée qui ne puisse se rattacher à l'un de ces trois centres? Pour nous, la somme de saint Thomas est un superbe monument, une vaste construction religieuse élevée à la gloire de Dieu, pour le salut des hommes. Elle se présente à nos yeux sous l'aspect d'un magnifique édifice, avec son portail, ses tours, ses grandes fenêtres, le tout merveilleusement construit, suivant les règles de la plus belle architecture, par le plus grand des génies. Que l'on nous permette d'insister sur cette comparaison. Quand nous approchons de l'une de nos belles cathédrales, ne sentons-nous pas notre âme s'élever à Dieu? Oui, à la vue de tant de grandeur et de magnificence, nous nous écrions d'abord, quelle majesté, quelle sublimité! À peine avons-nous franchi le portail pour pénétrer dans l'intérieur que, notre admiration se changeant en un profond respect, nous sentons, pour ainsi dire, la présence du Dieu qui l'habite. Ici, en effet, tout ne nous parle-t-il pas de Dieu, de nos devoirs envers Dieu, de Jésus-Christ? N'est-ce pas de ces grands objets que nous parlent ces voûtes, ces piliers immenses, cette chaire, ces tableaux, ces statues, et surtout cet autel et ce tabernacle que nous apercevons dans le lointain, au fond du sanctuaire? Napoléon Ier, entrant pour la première fois dans la cathédrale d'Amiens, disait, « Ici un athée ne serait pas à son aise. » La somme de saint Thomas produit sur l'âme de celui qui l'étudie une impression religieuse à peu près semblable à celle qui fait naître la vue de nos plus belles basiliques. Des généralités, passons aux considérations particulières. Comme nous voyons reluire le génie de l'architecte dans le fini des détails, dans la délicatesse des ciselures, la variété des dessins, la légèreté des dentelles, dans toute cette ornementation qui décore nos vieilles basiliques, non moins que dans la hardiesse de la coupole et des arcades, ainsi nous retrouverons le génie de saint Thomas jusque dans les moindres parties de son grand ouvrage. Chacune des trois parties de la somme théologique est divisée, avec le plus grand soin, en questions générales et secondaires, qui ne rentrent jamais les unes dans les autres. Chaque question est traitée au moyen d'articles plus ou moins nombreux. La méthode adoptée pour l'un est invariablement la même pour tous. Cette méthode, la voici, sous la forme à la fois dubitative et interrogative, saint Thomas pose une question. Par exemple, Dieu existe-t-il? Avant de répondre, il fait parler son adversaire. Il semble, dit celui-ci, que Dieu n'existe pas. Saint Thomas met dans la bouche de l'adversaire de la vérité plusieurs arguments qui sont le résumé de toutes les conceptions de l'esprit humain à l'appui de l'erreur sur la question posée. L'adversaire a parlé. Alors paraît un représentant de l'autorité et de la raison. Cette contrera, dit-il, mais par contre, et il cite un témoignage, une autorité en faveur de la vérité. Le « cette contrera », que l'on peut presque toujours traduire par « mais c'est le contraire », contient le plus souvent la pensée de saint Thomas. Quelquefois pourtant les limites de la vérité y sont un peu dépassées. Dans ce cas, l'auteur n'achève pas son article sans le faire remarquer. Conclusion. Sous ce titre, Un esprit éminemment positif fait à la question proposée plus haut une réponse brève, exacte et profonde. La conclusion, dit-on, n'est pas de saint Thomas, elle a été ajoutée par quelques commentateurs. Nous arrivons à la réponse principale, à la thèse elle-même. Répondez au dissendum, il faut répondre, reprend notre saint docteur, paraissant s'occuper de la question seule, et non des objections, que, néanmoins, il ne perd pas de vue, comme on le voit en y regardant de près. La question est-elle susceptible de diverses interprétations? Peut-elle être comprise diversement ou envisagée sous plusieurs aspects? Il le fait observer. Il établit ses points de vue, fait ses concessions, et, enfin, il expose la vérité, puis il l'approuve. Là est proprement la thèse de saint Thomas, sa pensée, pour qu'il étudie bien, est claire, limpide, transparente. Tantôt, c'est la raison qui appelle la foi, plus souvent, c'est la foi qui éveille la raison. Le maître a vu la vérité comme dans son essence, le lecteur la voit ici comme dans un miroir. Le lecteur, satisfait de la réponse contenue dans le corps de cette thèse, s'en tiendrait là volontiers sans avoir même la pensée de relire les objections, la vérité a suffisamment brillé à ses yeux. Pour saint Thomas, cela n'est pas assez. Il est vrai que la thèse offre à l'œil exercé la solution de toutes les difficultés, mais il faut le faire voir avec évidence, il faut montrer la vérité au moins clairvoyant. Le soleil ne se contente pas de répandre sa lumière sur la nature, il dissipe encore les nuages du ciel et les vapeurs de la terre. À l'aide du flambeau lumineux qui a éclairé toute la thèse, saint Thomas, reprenant chaque objection, y fait une réponse décisive, et quand il a répondu à toutes, il n'y a plus ni ténèbres ni nuages, la vérité seule brille avec éclat. À considérer l'ensemble des articles et des thèses, il y a peu d'objections de l'incrédulité ou de l'hérésie qui n'aient été réfutées, peu de systèmes qui n'aient été exposés, peu de vérités qui n'aient été enseignées. Aussi un célèbre pape, Jean XXII, a-t-il dit, saint Thomas a répandu dans l'Église plus de lumière à lui seul que tous les autres savants réunis. Il a fait autant de miracles qu'il a composé d'articles. La méthode de saint Thomas, éminemment scolastique, on vient de le voir, était précieuse, surtout pour les professeurs de théologie, au Moyen Âge. Dans ce texte, où les objections sont prévues, les autorités citées à l'appui de la vérité, les questions bien posées et envisagées sous toutes leurs faces, l'erreur réfutée, le professeur chargé d'un cours de théologie trouvait des matériaux de tout genre, que son éloquence pouvait ensuite revêtir des formes propres à l'art oratoire. Saint Thomas fut le premier de ces célèbres professeurs. Soyons justes, la méthode scolastique donne de la rectitude au jugement, de la force au raisonnement, de la clarté à l'esprit, de l'énergie au discours oratoire. Pour nous, nous croyons, avec la plus profonde conviction, que la méthode de saint Thomas, habilement déguisée, comme l'a fait Monseigneur Frayssinous dans ses admirables conférences, serait couronnée d'un plein succès, non seulement dans la chair, mais à la tribune et au barreau. Cette méthode, il nous fallait d'abord la faire connaître, nous ne l'avons pas adoptée, nous dirons bientôt pourquoi. Disons préalablement un mot sur notre travail, sur le but que nous nous sommes proposés, disons dans quel dessin nous l'avons conçu, de quelle manière nous l'avons exécuté, quelle utilité on peut retirer de notre petite somme théologique. On nous dira, si la somme de saint Thomas d'Aquin est aussi parfaite que vous le supposez, aussi belle, aussi riche et aussi succinct que vous le proclamez, laissez-nous l'étudier elle-même. À quoi bon votre petite somme? Est-il croyable que votre abrégé puisse tenir lieu de la somme elle-même de saint Thomas? À qui offrez-vous votre ouvrage? Ceux qui possèdent la somme de saint Thomas l'étudieront dans l'original même. Ceux qui ne la possèdent pas ne vous liront point. Si, d'ailleurs, la méthode du saint docteur est naturelle et précieuse, pourquoi ne l'avez-vous pas adoptée? Ainsi pourra raisonner quelqu'un qui n'a jamais ni étudié, ni ouvert, ni même vu l'immense volume dont nous offrons l'analyse au public. Voici notre réponse. La somme de saint Thomas d'Aquin mérite tous les éloges que nous lui avons donnés. Loin de nous la pensée de détourner aucun lecteur de l'étudier elle-même. Nous voulons, au contraire, aider les esprits à revenir vers cette lumière de la théologie, vers cette pleine source d'où la vérité, selon l'expression du révérend Père Lacordaire, coule avec tant d'abondance, tant de force et tant de grâce. Or, c'est avec la même confiance que nous offrons notre petite somme à ceux qui possèdent la grande somme et à ceux qui ne la possèdent pas, à ceux qui l'ont étudiée et à ceux qui ne la connaissent pas. Nous l'offrons aux uns comme une introduction, aux autres comme un résumé, à tous comme un précis fidèle du plus beau chef-d'œuvre théologique qui soit au monde. Que l'on nous permette une comparaison. Avez-vous vu Rome? Non? Eh bien, voici en miniature ces monuments. Que, vous ensemble. En vérité, vous m'inspirez le désir d'aller à Rome les étudier eux-mêmes, alors étudiez d'avance ces miniatures et ces gravures fidèles, elles vous en présenteront à la fois l'ensemble et les détails. En face des monuments eux-mêmes, il vous sera plus facile d'en faire une juste appréciation. Vous me répondez, je suppose, que vous êtes allé dans la capitale du monde chrétien, et que vous en avez étudié et admiré les édifices. Alors ces miniatures auront pour vous un autre charme, elles vous retraceront avec fidélité l'image que votre souvenir en a conservée. Elles vous rappelleront tout ce qui était dans votre imagination lorsque vous quittiez la ville éternelle. On le voit, nous voulons populariser la somme de saint Thomas, en faciliter l'étude, en présenter la clé à ceux qui se sentiront de l'attrait pour elle. Mais, nous ne craignons pas de l'espérer, beaucoup de lecteurs s'en tiendront à cette petite somme. Pour la plupart des hommes, en effet, nous l'avouerons, la somme de saint Thomas est une nourriture trop forte, elle exige du temps, de l'étude, de l'application, de la contention d'esprit. La concision du style, la profondeur des idées, et, faut-il le dire, la méthode elle-même, la subtilité des objections, une terminologie peu usitée, des aperçus scientifiques nombreux, la nécessité de rapprocher la réponse des arguments et de se faire à soi-même un résumé de chacun des articles. Tout cela ne laisse pas que de rebuter ceux qui ne sont pas fortement organisés pour ce genre d'études. Monsieur l'abbé Combalot a dit, en attendant que nos têtes soient de force à se nourrir de cette étude, nous n'avons rien de mieux à faire que de nous familiariser par une excellente traduction avec une langue à peu près inconnue parmi nous. C'est pour cela que nous avons donné dans cet ouvrage la préférence à notre langue. Mais, hâtons-nous de le dire, la traduction littérale ne dispense pas de cette immense contention d'esprit, de ce travail continu de la réflexion, dont nous avons parlé. Essayez la lecture de saint Thomas dans la meilleure des traductions, dès le sixième article vous éprouverez le besoin de reposer votre esprit, au douzième vous aurez instinctivement fermé le livre. Plein d'estime toutefois pour le génie qui a écrit ces choses. Nous le répétons, c'est là le résultat de plusieurs causes, et notamment de la méthode, bonne en elle-même, mais fatigante par la monotonie de son procédé, par la contexture même des articles, et voilà pourquoi nous ne l'avons pas adopté. Voici donc le but de la petite somme théologique, extraire de la grande somme de saint Thomas l'or pur de la doctrine avec les raisons les plus propres à la graver dans l'esprit. Supprimer avec discernement tout ce qui n'était utile qu'au débat de l'école, tout ce qui n'est d'aucun intérêt actuel. Substituer aux termes incompris de nos jours ceux de la langue française autorisés par nos dictionnaires, tout en conservant les expressions caractéristiques que la science a consacrées. Faire disparaître, autant qu'il est possible, la monotonie de la forme sans rien changer au fond des choses, et, par ce moyen, donner à la somme de saint Thomas le charme d'une lecture instructive et aisée. En un mot, dégager la substance de la somme de saint Thomas, pour la présenter aux amis de la religion dans toute sa simplicité et toute sa vérité. Tel est le dessein que nous avons formé. Plaise au ciel que nous l'ayons réalisé d'une manière utile à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Nous ne nous sommes pas dissimulés les difficultés, nous avons essayé de les surmonter. L'ordre et l'enchaînement des matières, le plan, les divisions, la construction synthétique et analytique, la partie osseuse de l'ouvrage, si l'on peut s'exprimer ainsi, fallait-il la négliger ? Nous ne l'avons pas pensé. Saint Thomas en est fortement préoccupé, et c'est l'un des grands mérites de son ouvrage. Des tableaux, synoptiques, que, sans préjudice, on peut omettre à la lecture, offrent, au premier coup d'œil, l'harmonie de l'ensemble et le lien secret qui rattache les effets à leur cause. Pour ne point ralentir la marche et pour ne pas donner à notre travail une surcharge trop didactique, nous avons renvoyé à la fin de l'ouvrage, sous forme de glossaire ou de lexique, l'explication des mots techniques qui sont propres à la langue usitée du temps de saint Thomas, tels que, acte, forme, matière, absolu, accident, etc., et par ce procédé, à la fois simple et naturel, nous avons essayé de composer un livre aussi attrayant que le comporte la matière. Mais, comme nous n'oublions pas que nous écrivons aussi pour ceux qui ont la somme de saint Thomas en leur possession, nous n'avons pas manqué d'indiquer la partie, la question et l'article que nous étudions, afin que le lecteur puisse, en un instant, s'il le désire, se reporter à la source elle-même, pour vérifier notre analyse ou la compléter. D'autre part, la somme a été composée il y a 600 ans. Or, depuis le XIIIe siècle, il a paru des systèmes philosophiques dangereux, de grandes hérésies, d'immenses erreurs, et, de son côté, l'Église a rendu de nombreux décrets en matière de foi. Les sciences aussi ont progressé, d'où l'on voit que, pour mettre l'œuvre du saint docteur en rapport avec l'état actuel du monde religieux, des notes philosophiques, scientifiques et théologiques étaient indispensables. Nous avons donc dû ramener à ce foyer éclatant de la vérité les rayons de lumière que nous ont offerts les livres de la science moderne. La petite somme théologique, si nous ne nous trompons pas, est une théologie complète, une expression claire et nette de la science divine, un livre digne d'être offert aux intelligences les plus élevées et aux esprits les plus humbles. Nous la présentons d'abord à nos frères dans le sacerdoce et aux élèves du sanctuaire qui se livrent à l'étude de la science sacrée dans nos grands séminaires. Ensuite à tous les laïcs instruits qui voudront connaître le véritable enseignement théologique. Que les ministres du Seigneur et ceux qui aspirent à le devenir, que les professeurs de théologie et de philosophie, que les magistrats, les jurisconsultes, les avocats chrétiens, que les maîtres et les élèves prennent ce livre, et, le tenant entre leurs mains, tous, si nous avons réussi, pourront dire, voilà la théologie de l'Église catholique, voilà sa sublime philosophie, voilà le dépôt de la vérité divine, il y a ici plus que Salomon, il y a le Christ lui-même avec sa parole admirablement comprise et commentée par saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique. Frédéric Le Breton, curé d'Éran.